Chapitre 4. Marie-Lise. Dutilleul prit la route assez tôt le jeudi matin. Il avait dormi à l'appartement. Pour une fois, il n'avait pas eu de mauvais rêves. Le grand con n'était pas de sortie. Il avait soigneusement fait sa valise et récupéré son linge au pressing. La 13 était dégagée et il roula bien malgré le léger brouillard. Il prenait plaisir à conduire sa DS21. D'autant qu'il n'avait guère l'occasion de l'utiliser très souvent. Il l'avait acheté sur un coup de tête, quelques années auparavant. Il ne savait pourquoi il avait toujours aimé cette voiture. Sans doute parce que Philibert, son oncle, en avait une et que cela lui évoquait des souvenirs heureux. Naturellement, elle était assez gourmande en carburant, mais il la préférait à sa C5 de fonction qui ne l'emballait guère. Certes, c'était une bonne mécanique, il était très confortable, mais il aurait apprécié un peu plus de fantaisie dans la ligne. Vers 11 heures, il prit la belle allée menant aux Hortensias. Le ciel était gris et il en fut un peu triste. Il avait acheté un énorme bouquet de fleurs à Paris, ainsi qu'une belle boîte de chocolat et de livres. Celle qu'il allait visiter ainsi dévorait les romans aussi, en avait-il pris de bien épais. Marie-Lise Fournier. Dutilleul n'était pas mécontent de la revoir, histoire de voir où elle en était et aussi, inutile de se le cacher, pour se rassurer lui-même. Bien sûr, il savait très bien qu'il n'aurait jamais dû autant s'impliquer à titre personnel. Les mises en garde étaient venues de toutes parts. On l'avait supplié de tourner la page, pour son propre bien. Pour une fois, il n'y avait aucun piège. Seulement cette page, Dutilleul était incapable de la tourner. S'il s'était tant impliqué, c'est parce qu'il savait que cela en valait la peine. Longtemps encore, il se rappellerait comment l'affaire avait commencé. Il y avait eu l'appel paniqué d'un concierge. Celui-ci venait de découvrir une jeune fille salement amochée dans la cour de l'immeuble dont il avait la charge. Celle-ci, avait-il l'assuré avec force, vivait encore. Pourquoi, Dutilleul, s'était-il déplacé? Le motif n'était toujours pas très clair. Ce qu'il savait en revanche, c'est qu'à aucun moment, il ne l'avait regretté par la suite. La fille, Marie-Lise, avait traversé de très sales moments, mais elle s'était accrochée. Son acharnement à vivre en aurait remontré à certains. Très vite, on avait dépassé le cadre de l'enquête de routine. Dutilleul ne l'avouerait jamais, il n'avait pu s'empêcher d'adopter la jeune fille. La raison en était simple, elle n'avait confiance qu'en lui. Elle avait su dès le premier instant qu'il la comprenait. Dutilleul avait fini par retrouver les agresseurs de Marie-Lise et ceci avait été traduit devant la justice. Pourtant, elle n'en avait pas encore fini avec ses démons, l'anorexie n'étant certainement pas le moindre. La brutale dégradation de son état général lui avait valu cette nouvelle hospitalisation aux Hortensias. Elle y était à présent depuis 6 mois, mais heureusement, elle paraissait enfin être sur la bonne voie. Marie-Lise vint l'accueillir à la porte, tout sourire. Ses cheveux étaient plus longs et il la préférait ainsi. Elle avait bonne mine. Le putric avait raison. Il y avait incontestablement un mieux. Sa robe était presque à sa taille. Encore un petit effort et elle ne ressemblerait plus au sac d'os qu'il avait connu. Elle le conduisit dans un petit salon dont la vue donnait sur une pelouse bien entretenue. Puis elle referma la porte. C'est gentil à vous de revenir me voir. Il ne fallait pas vous sentir obligé, surtout après tout ce que vous avez fait pour moi. Qui vous a dit que je venais? Le putric. Qui d'autre? Enfin, il s'est montré plutôt sympa ces temps derniers. Il n'est pas si mauvais. Maladroit, sans aucun doute, mais il a du métier. Peut-être. Après tout, qu'est-ce que j'en sais? En tout cas, il est content de vous et moi aussi. Vous êtes sur la bonne voie et vous savez combien votre santé m'est chère. Ça, je le sais. « Je suis simplement désolé de ne pas avoir pu vous être plus utile dans l'affaire Louvier. Vous plaisantez? C'est vous qui m'avez donné l'élément indispensable. Vous avez eu bien du mérite. Mon succès vous revient, en partie. Vous dites cela pour me faire plaisir? Absolument pas. Sans vous, Sébastien Louvier aurait continué à tuer. C'est déjà miraculeux qu'on ait pu l'arrêter. Il s'en serait pris à moi. À regret, parce que vous n'étiez pas sa cible de prédilection, mais oui, certainement. » Alors je suis heureuse qu'on l'ait eu. Je n'étais donc pas si folle après tout. Je ne vous ai jamais prise pour une folle, mon petit. Vous non, mais ma mère. Elle m'en veut toujours autant, vous savez. Surtout depuis que mon père s'est rapproché de moi. Ça, vraiment, elle ne le supporte pas. Vous ne la changerez pas, Marie-Lise. C'est pour cela qu'il faut vous rétablir complètement. Ainsi, vous serez en mesure de partir, d'avoir votre propre appartement. Votre père est bon, il continuera à vous aider. N'oubliez pas aussi Marielle Vaillant, qui ne demande que cela. Ah oui, je dois bien reconnaître qu'elle est chouette, Marielle. En fait, elle me fait sourire. Je la trouve touchante. Elle vient me voir dès qu'elle le peut. Je me demande bien pourquoi elle fait tout cela. Vous le savez, vous ? Oui, mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Si un jour elle le souhaite. Il y a un truc, c'est ça. C'est pourquoi parfois elle paraît si triste. C'est à elle de vous en parler. N'essayez pas de me tirer les vers du nez. Vous n'êtes pas commissaire pour rien. Cela a parfois ses avantages. En tout cas, je suis heureuse qu'un grand ponte comme vous se soucie encore de moi. Vous ne me devez rien, vous savez. Vous avez fait plus que votre part. Un grand ponte, comme vous y allez. Quant à ce que j'ai fait pour vous, mettons simplement que je me soucie de vous. Ah non, ne vous mettez pas à pleurer. Vos joues n'ont pas besoin d'être lavées. Marie-Lise sourit à travers ses larmes. Excusez-moi, c'est que je ne suis pas si forte. Cela viendra. Même si cela vous déplaît, il faut continuer à voir le putric. Pour qu'il me bourre de médicaments. Il m'a promis de ne plus le faire. Il a vraiment compris, vous savez. Vous lui avez fait très peur. Ne rejetez pas les perches qui se présentent, ce serait une erreur. Vous serez là, comme à chaque fois, simplement n'égarez plus ma carte. Marie-Lise rosit à cette évocation. Oh, pour cela, pas de danger, papa en a une copie, ainsi que Marielle et Annick Ferrer. Cela me rassure. Pourquoi êtes-vous venu me voir ? Tout d'abord parce que c'était sur ma route, et aussi parce que j'en avais envie. Cela vous va comme explication ? C'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi. C'est pour cela que vous n'êtes pas en costume. J'ai droit à des vacances, moi aussi. Ah non, voilà que les grandes eaux reviennent. Vous voulez déjà me gâcher mon congé ? Non, bien sûr. Je crois que cette entrevue vous fatigue. Je vais partir, mais ce n'est pas un adieu, compris ? Compris. Si vous êtes bien sage, vous pourrez sortir d'ici un ou deux mois. Cela vaut le coup de s'accrocher, vous ne croyez pas ? D'ici un ou deux mois ? Parole de le putric. Alors je vais m'accrocher. C'est ce que j'étais venu entendre. Monsieur ? Oui ? Je vous trouve très bien aussi, sans votre costume. Du Tilleul riait franchement en reprenant la route. Il était heureux et rassuré.